بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لونج الله سبحانه وتعالى qui nous a comblé de cette assise sur les ondes de cette radio, Radio Taqwa, en cette nuit du 2 Muharram pour nous ici au Maroc, et le troisième en cette nuit du 2 du mois d'Allah Al-Muharram pour nous ici au Maroc, et c'est le troisième jour du mois d'Allah Al-Muharram pour d'autres. On se retrouve avec, comme on dit, le sujet de l'heure. Sujet qui concerne le mois d'Allah Al-Muharram. Et cela doit nous faire réfléchir et nous faire prendre conscience que le temps passe très vite. C'est une nouvelle année qui vient de commencer. Et nous devons réfléchir, qu'est-ce que nous avons fait durant celle qui est passée? Et avec quoi nous voulons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala est imminente. Et les jours passent très vite. Et cela doit nous rappeler à notre fin finale, qui commence par la tombe, et puis la résurrection, et puis se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre les comptes. La perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le possesseur, la perfection absolue d'Allah azza wa jal, qui est le possesseur de cet univers et de ce qu'il contient, et qui fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala, fait qu'Allah azza wa jal a privilégié certains temps par rapport à d'autres, et certains endroits par rapport à d'autres, et certaines créatures par rapport à d'autres. Et comme on dit, ceci n'est pas un hadith, hein? Allah a des particuliers dans le temps, dans les lieux et dans les individus. Allah a choisi des créatures, les croyants, les véridiques, les martyrs, et il a privilégié les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam parmi ceux-là. Qala azza wa jal, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. La traduction approximative du sens du verset: parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi les terres les mosquées, et il a privilégié la mosquée sacrée et la mosquée de Médine, et en troisième lieu celle de l'Aqsa à Jérusalem. La mosquée de Médine et la mosquée de la Mecque, ce sont des lieux sacrés, et non, hein, et celle de l'Aqsa ne l'est pas. Il a des mérites, mais il n'est pas sacré comme celle de Médine et comme celle de la Mecque. Subhanahu wa ta'ala, il a élu parmi les jours le vendredi, le jour de Arafat, le jour de Ashura, les jours de Tashriq, les trois jours qui suivent la fête Eid al-Adha, la célébration du sacrifice. Et il a privilégié aussi et élu la première décane de Dhul-Hijjah, et il a privilégié aussi et donné des mérites à la dernière décane de Ramadan. Et parmi les mois, il a élu subhanahu wa ta'ala le mois de Ramadan et les mois sacrés. et il leur a donné certains mérites par rapport aux autres mois de l'année. Il en a fait des saisons de bien, d'obéissance, et des saisons où il faut faire beaucoup d'efforts dans le bien pour avoir les récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des temps méritoires. Et notre mois que nous vivons actuellement, qui est le mois d'Allah al-Muharram, fait partie de ces mois méritoires. Ces jours sont pleins de bénédictions. Ce sont des nobles jours. Et on dit al-Muharram et on ne dit pas Muharram. Al-Muharram, cela veut dire le mois sacré. Muharram veut dire illicite. Donc, la prononciation du nom de ce mois, c'est Al-Muharram, le mois d'Allah Al-Muharram. Il faut qu'on se rappelle les mérites de ces jours et qu'on se rappelle les obéissances et les adorations que le messager d'Allah, Azza wa Jal, a légiféré pour sa communauté durant ce noble mois. Le mois sacré d'Allah Al-Muharram est un mois sacré parmi les mois qu'Allah a choisi et qu'il a privilégié par certains mérites par rapport aux autres mois de l'année. قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Et donc dans la traduction de ce noble verset dans sourate Tauba, il dit: le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ces 4 mois sacrés, 3 se succèdent l'un à l'autre. Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah, qui est le dernier mois de l'année lunaire, et le mois d'Allah al-Muharram. Et le 4e mois sacré, c'est le mois de Rajab. Comme cela a été clarifié par le messager d'Allah dans la khutbah du pèlerinage où il a fait, alayhi salatu salam, ses adieux à la communauté. Où il a dit, alayhi salatu salam, dans ce hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. Donc dans le hadith rapporté par Abu Daoud, notre messager a dit, le temps est revenu à sa place normale, comme le jour où Allah l'a instauré, le jour de la création des cieux et de la terre. L'année compte 12 mois, dont 4 mois sacrés, 3 successifs, qui se suivent l'un derrière l'autre, de l'Qi'da, de l'Hijja, al-Muharram, et Rajab de Mudar, qui est entre Jumada et Sha'ban. Comme il est clarifié dans Aoun al-Ma'boud, qui est l'interprétation du Sunan Abi Daoud, le hadith nous annonce que l'année où le prophète a fait le pèlerinage d'adieu, il a accompli le pèlerinage au mois de Dhul-Hijjah, au moment où il doit être accompli. Car les Arabes, pendant la période pré-islamique, changeaient les mois comme ça les arrange. Chaque 2 ans, ils déplaçaient le pèlerinage d'un mois à un autre. Et l'année où ils ont changé le mois qu'ils ont changé est annulé. Ce qui fait que l'année va compter 13 mois et non 12. Ainsi cela change lors des mois sacrés. Et donc, les Arabes de la période pré-islamique transgressaient la sacralité des mois sacrés. Allah Azza wa Jal a annulé cette façon d'agir et a confirmé le pèlerinage au mois où il doit être accompli. Et toujours dans résumé de ce qui est pris dans Aoun al-Ma'boud, l'année où le messager a fait son pèlerinage d'adieu, c'est l'année où le pèlerinage s'est accompli à son temps, d'où la parole du messager alayhi salatu salam, le temps est revenu à sa place normale, comme Allah l'a instauré, le jour de la création des cieux et de la terre. Ceci est une adaptation et un résumé de ce qu'a cité l'auteur du Aoul Ma'boud comme explication à ce hadith du messager alayhi salatu salam. Notre prophète alayhi salatu salam a dit aussi dans ce hadith, Irajab de Mudar. Mudar est le nom d'une tribu arabe qui était en divergence avec une autre tribu arabe qui est la tribu de Rabi'a. Ils étaient en divergence concernant la désignation du quatrième mois sacré. Rabi'a, la tribu de Rabi'a, disait que c'est Ramadan. Mudar disait que c'est Rajab. Et le messager alayhi salatu salam a confirmé dans ce hadith que c'est Mudar qui avait raison concernant le quatrième mois sacré, que c'était bien le mois de Rajab. D'où sa parole alayhi salatu salam et Rajab de Mudar. Donc, ces mois sacrés avaient une place importante dans la législation de Ibrahim alayhi salatu salam. Et cela est resté ainsi même chez les Arabes de la période pré-islamique. Les associateurs de cette époque donnaient une grande importance à ces mois sacrés, en préservant la sacralité de ces mois, pas d'hostilité durant ces mois, pas de guerre, pas de bagarre, pas de pillage, et durant ces mois sacrés, durant tout cela, ils ne le font pas durant ces mois sacrés, les mois sacrés, au point où l'homme rencontre l'assassin de son père, ou l'assassin de son frère, il ne le touche pas, il ne lui fait aucun mal, jusqu'à la fin des mois sacrés. Et quand l'islam est arrivé, il a gardé la sacralité de ces mois, et il a interdit aux musulmans de la transgresser, en accomplissement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, comme désobéissance et péché et autres. Qala azza wa jal, يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. La traduction approximative du sens du verset, où les croyants ne transgressaient pas et ne dépassaient pas les limites ordonnées par Allah et ne rendaient pas le combat licite durant les mois sacrés. Ils ne profanaient pas la sacralité des offrandes, ils ne tuaient pas ceux qui se dirigent vers la maison sacrée. Concernant le hadith dans Surat Tawba, où il est dit le nombre de mois sacrés auprès d'Allah est de 12 mois dans le livre d'Allah, le jour où il a créé les lieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, Ibn Kathir rahimahullah dit ceci, il dit, il est fortement recommandé de ne pas faire du mal durant ces mois. Et il rapporte qu'Ibn Abbas a dit cela toute l'année. Et il a dit, Allah a choisi ces 4 mois et il leur a donné une grande sacralité et il a fait que le péché accompli durant les mois sacrés est plus grave que celui accompli en dehors des mois sacrés. Et les bonnes œuvres accomplies durant les mois sacrés ont plus de mérite et plus de récompense. Qatada rahimahullah a dit, l'injustice durant les mois sacrés est plus grave et les châtiments qui en découlent sont plus grands. Fin de citation, de ce qui est voulu du passage d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, comme les bonnes œuvres diront, les jours des mois sacrés ont plus de récompenses, le soumis à Allah doit profiter de ces moments et doit faire beaucoup d'actes qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui le rapprocheraient de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il en est de même pour les péchés et les désobéissances commis durant le mois sacré. Le châtiment augmente aussi. Donc, le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit s'éloigner, de tout ce qui encourt la colère d'Allah azza wa jal en période normale et doit encore faire très attention au moment, hein, être vigilant au moment, durant les mois sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit préserver les droits de son Seigneur et s'éloigner de tout ce qui va lui faire subir le châtiment d'Allah et accomplir tout ce qui est dans ses capacités parmi les actes qui vont lui prévaloir l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et surtout, en de nobles moments et en des moments et des saisons et des jours et des mois qui sont sacrés, qui ont des mérites chez Allah Azza wa Jal. Et il y a un grand honneur pour le premier mois de l'année lunaire. Le premier mois de l'année lunaire, il a des grands honneurs. Le messager d'Allah a attribué le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué ce mois à Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a décrit par le mois d'Allah sacré, le mois d'Allah al-Muharram, dans le hadith où il a dit alayhi salatu salam, le meilleur jeûne après le jeûne de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. Une partie du hadith d'Abu Huraira chez l'imam Muslim. Regardez, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a attribué ce mois à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela prouve l'honorabilité de ce mois. Et il est déterminé qu'Allah ne s'annexe que les particuliers parmi ses créatures, par leurs mérites et leurs honorabilités. As-Suyuti rahimahullah, dans l'interprétation qu'il a fait du recueil de Muslim, a dit, on m'a posé la question pourquoi ils disent de le Muharram, le mois d'Allah, en dehors des autres mois. Alors qu'il y a parmi les autres mois certains mois qui ont les mêmes mérites que Al-Muharram ou qui ont plus de mérites que le Muharram comme le mois de Ramadan. Et il a dit rahimahullah, et j'ai trouvé que la réponse à cette question, c'est que ce nom est un nom musulman et que les autres noms qui sont et en dehors des autres noms, des autres mois qui sont des noms de la période pré-islamique. Alors que ce nom Al-Muharram, c'est un nom musulman, c'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a désigné ainsi. Alors que le nom de Al-Muharram, à l'époque pré-islamique, était Safar Ier, on l'appelait Safar Ier, et le mois qui lui succède s'appelle Safar. Maintenant, nous avons le premier mois de l'année qui s'appelle Al-Muharram. Le deuxième mois s'appelle tout simplement Safar. Alors qu'à la période pré-islamique, le premier mois de l'année s'appelait Safar Ier et le deuxième mois de l'année s'appelait Safar II. Et quand l'islam est arrivé, Allah l'a appelé Al-Muharram. Ainsi, il a été affilié à Allah et c'est un point à retenir que j'ai trouvé dans le Jamhara dit Siyuti. Fin de citation de ce qui est voulu de Sharh Muslim de Siyuti. Nawawi rahimahullah a dit, il est détestable de nommer Al-Muharram par Safar, car ceci est une coutume pré-islamique. Fin de citation, ceci Nawawi l'a cité dans son livre Al-Adhkar. Et malgré que le mois d'Allah est méritoire, cependant, il n'y a pas de preuve pour accomplir des actes spécifiques le premier jour de ce mois, ou la première nuit de ces mois, ou d'y accomplir une umrah, ou de le spécifier d'un jeûne parce que c'est le premier jour d'une nouvelle année, comme il n'y a pas de preuve pour clôturer l'année avec un jeûne ou avec des prières nocturnes. Tous les hadiths qu'on entend à ce sujet sont inventés et sont nuls. Et comme il ne nous a pas été rapporté de veiller, hein, il ne nous a pas été rapporté de veiller la première nuit dans le Muharram, dans la prière ou dans les invocations. Et dont le Ba'it, ala inkar al-bida d'Abu Shama, Abu Shama a dit, rien n'a été rapporté concernant la première nuit de le Muharram. J'ai cherché dans ce qui a été transmis comme hadith et comme athar authentique et faible, et j'ai cherché dans les hadiths inventés, j'ai rien trouvé. Personne n'a mentionné quelque chose, et j'ai peur qu'Allah ne préserve d'inventeurs qui inventeraient des choses à ce sujet. Fin de citation des paroles d'Abu Shama. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce noble mois d'Allah al-Muharram, se trouve un noble jour, un grand jour méritoire, qui est Ashura, le 10e jour de ce mois. La sacralité de ce jour est ancienne, car c'est durant cette journée qu'Allah a sauvé Moussa et Banu Israël de l'injustice et de l'armée de Pharaon. Et c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher les croyants sur les mécréants. Donc c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala fait triompher le monothéisme sur le polythéisme. Donc c'est un grand jour. Et il a été rapporté dans les authentiques du hadith d'Abdullah ibn Abbas que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, ses nobles compagnons. Il a été rapporté que le messager d'Allah, quand il est arrivé à Médine, a constaté que les juifs jeûnaient Ashura. Et le messager d'Allah leur a dit, c'est quoi ce jour que vous jeûnez? Ils ont dit, c'est un grand jour, durant lequel Allah a sauvé Moussa et son peuple. Et il a noyé Pharaon et son peuple. Et Moussa a jeûné pour remercier Allah et nous, on le jeûne. Le messager d'Allah a dit, nous avons la priorité sur Moussa plus que vous. Et le messager d'Allah l'a jeûné et a ordonné de le jeûner. Et fait partie des mérites du jeûne de Ashura, c'est qu'il expie les péchés de l'année passée. Comme il est dit dans le hadith, rapporté par l'imam Muslim, la partie du hadith qui témoigne, il expie les péchés de l'année passée. Donc, il est préférable de jeûner avec le 10e jour. Il est préférable de jeûner avec le 9e jour. Car, c'est la dernière recommandation du messager qui a dit, alayhi salatu salam, si je vis l'année prochaine, je jeûnerai le 9e avant. C'est-à-dire avant le 10e. Donc ce qui veut dire, je jeûnerai le 9 et le 10. Le hadith est chez Muslim. Ceci tout simplement pour se différencier des juifs qui jeûnent le 10e seul, qui jeûnent Ashura seul. Donc le jeûne de Ashura est une sunna fortement recommandée. L'obligation du jeûne de Ashura a été abrogée après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré à la communauté musulmane le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar chez l'imam Bukhari rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné Ashura et il a ordonné de le jeûner, et quand a été légiféré l'obligation de jeûner Ramadan, Ashura a été délaissé. Et dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, rapporté par l'imam Bukhari, quand a été légiféré le jeûne du mois de Ramadan, Ashura a été délaissé. Celui qui veut le jeûner, le jeûne, et celui qui ne veut pas le jeûner, ne le jeûne pas. Je cite l'imam Muslim, chez l'imam Bukhari aussi. Le Hafidh ibn Hajar rahimahullah, dans le Fath, a dit, il est déterminé que si le jeûne de Ashura n'est pas obligatoire, mais il est toujours préférable de le jeûner. Ce qui a été délaissé, c'est tout simplement l'obligation de son jeûne. Mais il est fortement recommandé de le jeûner, surtout que le messager alayhi salatu salam s'en est occupé même l'année de sa mort, en disant, si je vis l'année prochaine, je jeûnerai le 9e et le 10e. Et aussi, il a incité à le jeûner, et aussi, le jeûne de Ashura, il expie les péchés de l'année passée. Et il n'y a pas une recommandation plus forte que celle-ci. Fin de citation des paroles de l'Hafid, rahimahullah ta'ala. Donc, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis de croire que le jeûne de Ashura est obligatoire. Et encore moins de croire qu'il est obligatoire ou préférable à celui qui ne l'a pas jeûné de le rattraper. Et rien n'a été rapporté dans la sunna. Et aussi, le jeûne de Ashura est quelque chose de fortement recommandé. Et rien n'a été rapporté dans la sunna à faire durant la nuit de Ashura et durant sa journée. Il n'y a que le fait de jeûner la journée et rien d'autre. Ashura n'a aucune caractéristique du Eid. Il n'y a pas de célébration à faire. Donc ce n'est pas une journée réservée à la tristesse comme le font Rawafid ou à la joie comme le font Nawasib. Comme il est, hein, cela c'est la coutume de Rawafid et de Nawasib. Nawasib est un terme que Rafida ont donné aux gens de la Sunna, car pour eux les gens de la Sunna se sont alliés à Abu Bakr et Omar. Ils se sont positionnés comme ennemis à Ali et à la famille du prophète alayhi salatu salam. Alors que les gens de la Sunna sont innocents de cette appellation, ils ne font aucune différence entre les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Ils les aiment tous, ainsi que la famille du prophète alayhi salatu salam. Bien sûr, il y a un classement, hein, et il y a des compagnons qui ont plus de mérite que d'autres. Abu Bakr est en haut de ce classement. Puis vient Omar, puis Uthman, puis Ali, puis hein, les 10 à qui le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, et puis les gens de Badr, et ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'il existe une tendance qui est la famille du prophète, la famille de Ali radiallahu anhu arda, et toute sa descendance, qui sont les réels nawasib. Nasabul ada'a li Ali ou Ali Bayt al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont, hein, la haine et l'hostilité envers Ali et sa famille. Rawafid, vous le savez, ce sont les shi'a qui croient en 12 imams. Et ce sont de grands ennemis de la sunna et des grands ennemis de l'islam et des musulmans. Cette tendance est sortie du giron du juif yémanite Abdullah ibn Saba, qui a prétendu l'amour de la famille du prophète alayhi salatu salam et qui a exagéré concernant Ali en le considérant comme une divinité, hein, etc. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, nous donne la vie pour faire une série sur cette tendance. Donc, durant la journée de Ashura, la journée de Ashura n'a aucune caractéristique du Eid. Il n'y a pas de célébration à faire. Hein? Ce n'est pas une journée réservée ni à la tristesse ni à la joie, comme il est le coutume chez Rawafid al-Nawasib. Et durant cette journée de Ashura, on n'a pas à se donner des coups de fouet, ou à se lamenter, ou à déchirer ses vêtements, etc. On n'a pas à faire couler son sang. Tout ceci est en contradiction avec la sunna. Et aussi Ashura n'est pas une journée où il faut faire un plat spécial et agir avec les enfants comme on fait avec eux lors des deux grandes fêtes, lors des deux grandes célébrations qui sont l'Adha et le Fitr, le sacrifice et la clôture du jeûne du mois de Ramadan. La seule chose autorisée, c'est de jeûner Ashura. et de jeûner avec le neuvième jour pour se différencier des juifs. Et cela s'accomplit pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir sauvé Moussa alayhi salatu salam et son peuple de Pharaon, d'avoir fait triompher les croyants sur les mécréants. Et il est fort regrettable que beaucoup de soumis à Allah subhanahu wa ta'ala ne suivent pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Ils se hâtent à faire du premier jour de l'année un jour de célébration, un Eid. Et certains pays décrètent même que le considèrent comme un jour férié, imitant ainsi ce que font les chrétiens lors de leur nouvel an. Ainsi, ils se permettent de créer la célébration du nouvel an. Et cette célébration qu'ils font, soi-disant le nouvel an de l'Hégire, se fait avec des rappels, des exhortations, des hadiths inventés, des assises, des conférences, des soirées de poésie et des anachides, et souvent cela est accompagné de musique. Il se fait dans la mixité entre les hommes et les femmes, et ainsi de suite. Et il se félicite pour la nouvelle année, il s'offre des cadeaux, et dans cela, il y a une forte imitation des gens du livre. Avec tout cela, certains ont oublié la parole du messager alayhi salam. Celui qui innove quelque chose dans notre religion lui sera rejeté. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et ils ont oublié aussi la parole du messager alayhi salam dans ce qui est rapporté par Abu Daoud, dans le hadith de l'Irbad Nusariya. Attention à toute nouveauté, c'est-à-dire dans la religion, car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Les gens dont leurs innovations durant ce mois al-Muharram lient leurs actes à la Hijra. Ils lient leurs actes à la Hijra, soi-disant pour célébrer la Hijra du prophète alayhi salam. Et il n'y a aucun doute que les événements relatés dans la biographie du messager alayhi salatu wassalam, comme le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé aux gens comme avertisseur et annonciateur, le fait qu'il ait reçu la révélation d'Allah et le fait qu'il ait reçu le plus grand des miracles, le miracle éternel, le Coran, et tous les miracles qu'il a reçus, alayhi salatu wassalam, ainsi que les événements qu'il y a eu durant sa vie, comme l'Isra et le Mi'raj, l'ascension et le voyage nocturne, ainsi que sa hijra de la Mecque vers Médine, ainsi que l'édification du premier état musulman, et les batailles qu'il y a eu, ainsi que la propagation du monothéisme, de la da'wah vers Allah, et autres événements important qu'il y a eu durant la vie du messager alayhi salatu wassalam ne doivent pas être un prétexte pour créer des célébrations, pour créer des ayad, donc pour faire de ces jours des jours de fête. Ceci n'est pas toléré dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas légiféré de célébrer la hijra du prophète durant le premier jour du mois d'Allah al-Muharram et durant tout le mois d'Allah al-Muharram, car il n'y a aucune preuve du livre et de la sunna qui le légifère, et les compagnons ne l'ont pas fait, et on n'est pas mieux qu'eux, ni mieux que leurs successeurs, ni mieux que ceux qui les ont suivis à la perfection parmi ces meilleures générations qui ont reçu les éloges d'Allah et de son messager alayhi salam. Et comme il a dit Ibn Kathir rahimahullah, لو كان خيرا لسبقونا إليه. Si c'était un bien, si le bien il était dans les choses que le prophète n'a pas fait, Ben les nobles compagnons d'Allah alayhim seraient les premiers à le faire. Les premiers n'ont rien laissé au dernier. Ils ont suivi à la perfection. Le chemin est bien tracé, il n'y a qu'à le suivre. Et il n'est pas non plus permis de créer des fêtes, des célébrations pour ces nobles occasions, prétextant le remerciement d'Allah, ou prétextant donner la place et la révérence due au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car on ne remercie pas Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'avec ce qu'il a légiféré. Le remerciement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, se fait avec ce qu'il a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Et on ne révérencie pas le messager, on le révérencie seulement avec ce qui a été légiféré, avec le fait de le suivre, et on ne révérencie pas le messager d'Allah avec les innovations dans sa religion. Et qu'on se rappelle la parole du messager alayhi salatu salam, toute innovation est un égarement, et sa parole, celui qui œuvre, une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion, il lui sera rejeté. Donc, remercier Allah s'accomplit par le fait de lui obéir, et révérencier le prophète se fait par son suivi et le suivi de sa sunna, en mettant en application ses ordres et en s'abstenant de ce qu'il a interdit. قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. La traduction approximative du son du verset: vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup et fréquemment. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Et dans la traduction approximative du sens de ce verset, dites: si vous aimez Allah, suivez-moi. Vous suivez le messager alayhi salatu salam. Allah vous aimera, il pardonnera vos péchés, et il est le pardonneur et le clément. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir a dit: ce noble verset est un baromètre concernant tout un chacun qui prétend aimer Allah et ne suit pas la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve qu'il ment dans l'amour qu'il prétend jusqu'à ce qu'il suive Muhammad, la législation de Muhammad alayhi sallam, et la législation prophétique dans toutes ses paroles, dans toutes ses paroles, dans tous ses actes et dans toutes ses situations, comme cela est confirmé dans le hadith authentique du messager qui a dit: celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de notre religion, il lui sera rejeté. Al-Hassan al-Basri rahimahullah et d'autres salafs ont dit: certains ont prétendu aimer Allah. Allah les a éprouvés avec ce verset. Dites: si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et pardonnera vos péchés. Fin de citation de ce qui voulait les paroles de Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. D'un autre côté, le premier jour de le Muharram, c'est juste le début du calendrier islamique. Le calendrier de islamique, c'est-à-dire, c'est juste le premier jour du premier mois de l'année de l'Hégire, comme l'ont instauré les compagnons, à l'unanimité durant la khilafa de Omar ibn al-Khattab, comme ceci est relaté dans le livre de l'histoire d'Ibn Kathir, Bidaya wa Nihaya, et dans d'autres livres d'histoire musulmane. Cette date a été choisie par les compagnons tout en préservant le fait de ne pas concorder les chrétiens dont la date commence avec la naissance de Isa alayhi salatu wassalam. Et la hijra du prophète alayhi salatu wassalam n'a pas eu lieu durant le mois d'Allah al-Muharram. La hijra du messager alayhi salatu wassalam a commencé de la Mecque vers Médine au début du mois de Rabi' al-Awwal, Rabi' premier, de la 13e année de l'envoi du messager alayhi salatu wassalam. Et le prophète est arrivé à Quba la 12e nuit de Rabi' al-Awwal. fait 12 jours sur la route. Et il est arrivé un lundi, comme cela est relaté par les gens du hadith et les biographes de la, du messager alayhi salatu wassalam, ceux qui se sont occupés de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans le résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, Cheikh Mohammed Ibn Abdelhab, rahimahullah, et aussi dans, le recueil de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam d'Ibn Kathir, et aussi dans le Bidaya wa Nihaya, le livre, le grand recueil d'histoire d'Ibn Kathir. Partant de là, comme l'ont clarifié, comme les savants l'ont clarifié, la hijra ne s'est pas faite durant le mois d'Allah al-Muharram. La hijra n'a pas eu lieu durant le mois d'Allah al-Muharram. Selon la parole la plus forte des savants, la résolution pour la hijra a commencé durant ce mois d'Allah al-Muharram, comme l'a cité clairement l'Hafidh ibn Hajar dans le Fath. Il a dit, rahimahullah, ils ont déplacé le début de l'année de l'Hijr de Rabi al-Awwal à al-Muharram, car le début de la résolution de la Hijra a commencé au mois d'Allah al-Muharram. L'allégeance des alliés de Médine, c'est-à-dire l'Ansar, quand ils ont donné leur allégeance au messager alayhi salatu wassalam, a eu lieu durant Dhul Hijja, c'est-à-dire le mois avant al-Muharram. Et c'est le préambule, cette allégeance était le préambule de la Hijra. Et donc le premier mois lunaire qui est apparu, et la première lune qui est apparue après l'allégeance qui a eu lieu par l'Ansar, qu'ont donné l'Ansar, durant le mois de Dhul Hijja, c'est la lune du mois d'Allah al-Muharram qui est apparue tout de suite après. C'est le mois, dit Ibn Hajar, où la ferme résolution, où il y a eu la ferme résolution pour la Hijra. Il dit, cela convient à ce qu'il soit le début de l'année de l'Hijr. Et c'est la parole la plus forte que j'ai trouvée, fin de citation des paroles de l'Hafidh rahimahullah ta'ala. Donc, ce qu'il convient aux soumis à Allah, et ce qui est obligatoire pour eux, et pour nous tous, pour avoir le bonheur dans ce bas monde et dans le delà, c'est de suivre le messager. Et que les musulmans doivent prendre les leçons de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, les leçons des événements qui ont eu lieu durant la vie de ce noble messager alayhi salatu wassalam, donc prendre les leçons durant toute l'année, et ne pas limiter sa biographie à un jour de l'année, et à célébrer sa biographie avec l'anachide et avec le fait de compter sa biographie un jour de l'année ou une semaine de l'année ou un mois de l'année comme il se fait durant ce mois d'Allah al-Muharram, ou à se rappeler la biographie du prophète al-Sallam durant les khutbas qui se font durant le mois d'Allah al-Muharram et durant les conférences et les meetings qui se tiennent et les assises et les soirées qui se tiennent pendant ce mois d'Allah al-Muharram, et en faire seulement des souvenirs annuels qui s'oublient une fois la célébration est terminée. Wallahu al-musta'an. Alors que on doit méditer la vie du prophète alayhi salatu wassalam et le prendre comme modèle et l'imiter dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit. Et comme il dit, ce monde qui va à l'envers, chez beaucoup qui fêtent la Hijra, regardez combien parmi eux quittent les pays de l'islam vers les pays de mécréance. Tout à l'envers. Alors que la Hijra du messager alayhi salatu wassalam doit nous rappeler cette noble et grande adoration qui est le fait de quitter les terres de mécréance vers les pays de l'islam. Le messager alayhi salatu wassalam a quitté la Mecque, qui était sous le pouvoir des mécréants, et qu'il aimait beaucoup, alayhi salatu wassalam, pour s'installer chez les alliés de l'islam à Médine, chez l'Ansar, alors que beaucoup de nos contemporains n'ont qu'un rêve, c'est de franchir la Méditerranée pour se fondre au milieu des mécréants. Et combien parmi nos frères qui ont la capacité et les moyens pour accomplir leur hijra vers un pays de l'islam préfèrent rester dans le prétendu confort et dans la prétendue liberté dans les pays de mécréance, alors que l'étau se serre de plus en plus contre les musulmans en terre de mécréance. Quand est-ce qu'on va sauver notre descendance sur laquelle s'exerce une forte influence, une grande influence, pour leur faire perdre leur identité musulmane à bas âge? Rappelez-vous la circulaire de l'éducation nationale française après le déconfinement, où sont cités certains points qui choquent. Il est cité que les éducateurs, les profs doivent observer les enfants et faire en sorte de savoir ce qu'ils disent sur la pandémie. Est-ce que ils disent que la pandémie c'est un châtiment du Créateur? Est-ce qu'ils disent que le seul remède pour sortir de cette pandémie c'est de revenir vers la religion, etc., etc.? Tout ceci pour cataloguer les enfants et pour les cataloguer comme quoi ils appartiennent à des familles intégristes, fondamentalistes, communautaristes, etc. Ainsi, on leur fait une affiche individuelle à bas âge. Qu'on se réveille. Et combien même certains de nos frères m'a raconté que pendant la pandémie, quand il y avait les cours à distance, des fois le prof il lui dit « Éloigne-toi de la pièce que je puisse parler avec les enfants seuls. » C'est-à-dire pour que il leur pose des questions et que les parents n'influencent pas leurs réponses. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Et qu'on se réveille, qu'on prenne conscience du danger de la situation. La rencontre d'Allah est proche. Et qu'est-ce qu'on va lui répondre concernant la responsabilité de nos femmes, de nos enfants, etc. Nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim donnaient une grande importance à la biographie du messager alayhi salatu wassalam. En mettant ce qu'il faut mettre en application, en essayant d'avoir le comportement du messager alayhi salatu wassalam et le comportement dicté dans sa sunnah, en essayant de régler les situations et les litiges conformément au livre d'Allah et à la sunnah du messager alayhi salatu wassalam, en essayant d'éduquer leurs enfants et leur entourage comme il a éduqué alayhi salatu wassalam sa communauté. Nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim ont pris Muhammad alayhi salatu wassalam comme modèle à tous les niveaux. Et ils ont donné une grande importance à la da'wah du monothéisme et au combat du polythéisme, comme il l'a fait alayhi salatu wassalam. Ils ont donné l'importance à la religion qu'a transmis alayhi salatu wassalam. Ils l'ont préservé et ils l'ont mis en application selon leurs capacités. En conclusion, ils ont mis en application ses ordres et se sont abstenus de ce qu'il a interdit, alayhi salatu wassalam, mettant ainsi en application le hadith rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah, al-muhajiru man hajara manaha Allahu anhu. Le muhajir, comme il est relaté dans le hadith, c'est celui qui délaisse que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et dans l'autre hadith, authentifié par Cheikh Nasr Din Albani rahmatullah alayh, et rapporté par Ibn Hibban, il a dit alayhi salatu wassalam, al-muhajir man hajara as-sayyi'at. Muhajir, c'est celui qui délaisse les péchés. Où sommes-nous de la sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam? Et tout ce qu'ils ont fait, ridwanullah alayhim, et tous ceux qui ont suivi les nobles compagnons à la perfection, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait conformément à la législation d'Allah. Et selon la voie et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. et qu'on prenne conscience de la situation, surtout en cette période où nous vivons quelque chose de particulier, cette pandémie qui a mis à genoux le monde entier. Et on va vers notre fin, on va vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est imminente. Qu'on regarde ce qu'on a préparé, qu'est-ce qu'on a mis dans l'année qui vient d'écouler. Et la nouvelle page que nous venons d'ouvrir durant ce début du mois d'Allah al-Muharram, nous devons y faire très attention. Qu'est-ce qu'on va transcrire? Qu'est-ce qu'on va écrire dans le manuscrit de cette année? Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في دينه وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا